Si vous achetez une maison à la campagne, elle sera bientôt pleine d'odeurs. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée, l'odeur du chèvrefeuille qui grimpe le long des murs, l'odeur de la cave humide, l'odeur de la charpente dans le grenier. D'autres odeurs aussi, mystérieuses, déplaisantes, inexplicables. Sophie est à un tournant de l'existence, son mariage est capoté. Après 10 ans d'un bonheur relatif, elle s'est aperçue de l'erreur qu'elle avait commise en épousant Jean-Philippe, infidèle, capricieux, incapable de prendre ses responsabilités. Sophie a donc demandé et obtenu le divorce, ainsi que la garde de leurs deux enfants, Mireille qui a 13 ans et Delphine qui en a 12. Mes filles, j'ai envie de faire planter un saule pleureur devant la porte de la maison. C'est tellement joli. Et avec un terrain un peu humide, au bord de la mare, ça fera une ombre très légère. Mireille et Delphine, comme leur mère, adorent la campagne, les arbres, les fleurs, les petits oiseaux, mais elles ont l'esprit pratique. Et tu crois qu'il va pousser? Tu sais comment on s'occupe d'un arbre? Et Sophie répond, « Je suis passé chez l'horticulteur de la Ferté. Il viendra lui-même planter le saule et il passera de temps en temps pour voir si tout se passe bien. » Et ce saule pleureur va changer la vie de Sophie. L'horticulteur en question, Paul Hamchin, est un solide gaillard d'une quarantaine d'années. Il possède une moustache en guidon de vélo, des yeux clairs qui respirent la franchise. Vous allez bien boire quelque chose avec cette chaleur. C'est ainsi qu'au fil des visites, Paul fait mieux la connaissance de Sophie. Il lui révèle qu'il est divorcé sans enfant, lui raconte son propre parcours du malheur. Paul et Sophie comprennent très vite qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mireille et Delphine trouvent Paul vachement sympa et elles le verraient très bien en chef de famille. Cela fait 6 ans que leur père a disparu de leur paysage. Paul confie à Sophie « J'ai des problèmes avec mon entreprise d'horticulture. Je manque de place pour agrandir mes serres de primeur. J'aimerais bien m'installer au Mouraud. Il y a une ferme de 20 hectares à vendre. » Sophie, qui est désormais la nouvelle Madame Paul Hamchin, ne voit rien à redire. « Oui, allons-y. Si tu penses que c'est mieux, changeons de paysage. » Un dernier regard au saule pleureur qui leur a permis de se connaître et toute la famille s'installe dans la vieille ferme du Mouraud. Pierre Bell est le nom de la ferme. Paul et Sophie s'informent de l'origine de ce joli nom. Les gens du hameau leur donnent la réponse. « Il paraît qu'il y a un très vieux cimetière chez vous. On a trouvé un sarcophage romain sculpté qui est au musée de Chinon. » C'était ça la Pierre Bell. Après quelques mois de rénovation, Pierre Bell est fin prête pour la vie moderne. Cuisine, salle de bain, toilettes modernes, chauffage au fioul. Paul a mis à nu les poutres noyées dans le torchis. Les glycines, les rosiers, la vigne grimpent le long de la façade. Mireille et Delphine sont enchantées de leur nouveau domaine. Paul, c'est incroyable, les fenêtres en aluminium que nous avons commandées ne vont pas du tout. Toutes les dimensions sont fausses. Oh, ben alors bravo! Et c'est l'entrepreneur lui-même qui a pris les mesures. S'il travaille toujours comme ça, il ne va pas tarder à faire faillite. L'entrepreneur a beau retourner le problème en tous sens, il ne comprend rien, mais accepte de refaire les châssis de fenêtres. Enfin, je me demande comment j'ai pu faire mon compte. C'est la première fois que je me plante dans mes calculs. 1 centimètre, c'est quand même dingue. Sophie décide qu'un portail électrique serait quand même plus commode pour faciliter les allées et venues de Paul et de sa camionnette. Sinon, à chaque fois, il faut aller ouvrir, fermer ce gros portail, c'est tuant. Le portail est mis en place 1 mois plus tard, il fonctionne très bien, pendant 1 semaine, et puis les ennuis commencent. Un des vantaux se grippe, et puis le second. Voilà la famille Hamchin coincée chez elle. On répare le portail électrique qui, de toute manière, était sous garantie. Paul, Paul, la porte du congélateur, elle s'est ouverte cette nuit. Tout a dégivré. Cette petite contrariété est bientôt suivie de plusieurs autres. La machine à laver, le réfrigérateur, le chauffage au fioul connaissent eux aussi des pannes plus ou moins graves, plus ou moins prolongées. Et Sophie commence à se poser des questions. Je me demande si nous n'étions pas mieux dans l'autre ferme. Ici, on dirait que la maison nous repousse. Mais non, ma chérie, ce n'est qu'une mauvaise passe. Et puis, tu n'es peut-être pas très très habile au maniement des appareils électroménagers. Sophie n'apprécie pas vraiment ce commentaire typiquement macho. Bien sûr, si quelqu'un est responsable des ennuis mécaniques, ce ne peut être qu'elle, Sophie. Puisqu'on est dans la série des ennuis mécaniques, il faudrait que l'on change la voiture. C'est toi qui conduis et qui es le mécanicien. On va bien voir si les choses se passeront mieux avec ta nouvelle Renault. La nouvelle voiture, un break, a de l'allure. Mais dès les premières sorties, Paul est bien obligé de reconnaître qu'il y a un problème. La tenue de route n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, je n'ai pas tourné autour du pot. Je retourne chez Virieux. Virieux, c'est le concessionnaire de la marque. Après avoir examiné le véhicule, il annonce tout contrit. Je n'y comprends rien. Vos pneus ne sont pas adaptés. Je ne comprends pas, c'est une erreur de l'usine. Sophie remarque ironique. Tiens, tiens. Si la poisse s'étend jusqu'à l'usine Renault, ça me rassure un peu. Après les pneus de la nouvelle voiture, les ennuis continuent. Maman, Paul, les poissons rouges, ils ont une drôle d'allure. Ils nagent sur le dos. En effet, les poissons du bassin installés par Paul sont tous le ventre en l'air. On analyse l'eau. Rien d'anormal, elle est si pure qu'on pourrait la boire. Après les poissons rouges, c'est le chat qui manque de mourir après avoir été mordu par un animal non identifié au fond du jardin. Moulineau, le chien brillard, commence à se traîner. Le vétérinaire est formel, c'est un cancer, c'est bizarre. À 6 ans, il n'est pas vraiment vieux. Le soir, Sophie et Paul ne peuvent s'empêcher d'avoir le moral un peu bas. Sophie saisit la main de Paul et demande avec des larmes dans la voix « J'ai l'impression qu'une force nous veut du mal. Je me demande si c'est Jean-Philippe. Ou bien ton ex-femme. Mais tu es folle. Mais ni ton ex, ni Caroline ne sont capables de faire de la magie noire. Eh bien, qui que ce soit, si elle laisse en prendre à Mireille ou Delphine, je te préviens, Paul, si les petites tombent malades, je ne pourrai pas continuer à habiter ici. » Paul prend Sophie entre ses bras et tente de la calmer. 2 jours plus tard, Sophie appelle Paul. « Chérie, c'est bizarre. Il y a une drôle d'odeur dans la salle de bain. Je me demande d'où ça vient. » Paul vient constater. « Oui, c'est une odeur acide. C'est bizarre, quand j'ai pris ma douche tout à l'heure, j'ai rien remarqué. L'odeur est assez forte, mais elle disparaît soudain. Pour revenir tout aussi vite, par bouffée à l'improviste. » Paul examine tous les coins de la salle de bain toute neuve, mais il n'y a rien d'anormal. La seconde salle de bain, elle aussi, est parfois envahie par cette même odeur inexplicable. Sophie ! Chérie, viens dans le couloir. Sophie arrive un peu inquiète. Est-ce que tu sens ce que je sens ? Mais c'est pas possible, ça sent la charogne ! On dirait qu'il y a un rat crevé dans le mur, mais c'est horrible ! Et comme dans les salles de bain, l'odeur arrive tout à trac, disparaît, réapparaît, tantôt à un bout du couloir, tantôt à l'autre. Une odeur écœurante, brutale, qui disparaît soudain complètement. Paul et Sophie explorent les buissons extérieurs, sondent les cloisons, rien n'y fait. On ne trouve aucune raison à cette puanteur intermittente. Mais le mystère des odeurs passe au second plan quand Sophie doit interrompre ses activités professionnelles. De gros problèmes de colonne vertébrale la clouent au lit pour de longues heures. Paul, je crois que Pierre Bell ne veut pas de nous. Dès que j'irai mieux, nous essaierons de nous installer ailleurs, même si tu gardes les terres pour tes serres. Tu as peut-être raison. Moi aussi, j'ai du mal à dormir. Je commence à me sentir stressé, mal dans ma peau. Sophie, lors de ses promenades dans le hameau, se renseigne sur les antécédents de Pierre Bell. Pierre Bell ? Oh, ma pauvre dame ! Ça n'a pas toujours été une belle propriété. Pendant la guerre, il y avait un vieux couple, les Verriot, ils faisaient partie de la résistance. Mais le maquis a été encerclé par les Boches et a eu un massacre. D'ailleurs, la ferme de Pierre Bell a été entièrement brûlée à l'époque. Sophie écoute le récit du drame. La voisine continue. Les Verriot sont revenus après l'incendie. Ils ont vécu comme ils ont pu. Lui, il est mort en 1974, elle a continué encore 2 ans. Puis elle est partie chez sa sœur où elle est morte. Une histoire banale en quelque sorte. Sophie rentre chez elle. Oh, ça y est, l'odeur est encore dans la salle de bain, mais c'est fou. Mais on dirait... Paul, on dirait... Tu sais ce que l'on sent dans la salle de bain ? Paul donne sa langue au chat. Ça sent la sueur. La sueur d'un homme qui vient de travailler en plein soleil toute la journée. Je sais ce que c'est. C'est la sœur de M. Verriot, l'ancien fermier. J'en suis certaine. Sophie s'est mise à crier. « Je vous ai reconnu, M. Verriot. C'est vous qui hantez notre salle de bain. Allez-vous-en !» Immédiatement, l'odeur de sueur aigre disparaît comme par enchantement, pour ne jamais revenir. Et l'odeur de charogne? La chose est plus compliquée. Un spécialiste en maison hantée avance une hypothèse. Ce serait celle du cimetière romain. Ou bien les morts tués au cours d'un combat il y a presque 2000 ans. En tous les cas, dès qu'il a identifié l'odeur, elle aussi disparaît définitivement. Hélas, le malheur continue. Paul meurt d'un cancer foudroyant. Et bien depuis sa disparition, tout va bien à Pierre Bell. Sophie est persuadée que Paul, de là-haut, veille sur elle et sur sa maison.